Deuxième livre des Chroniques, chapitre 19. Et Josaphat roi de Juda revint saint, et sauf dans sa maison à Jérusalem. Et Jéhu fils d'Anani le voyant, sortit au devant du roi Josaphat, et lui dit, As-tu donc donné du secours aux méchants, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel, à cause de cela l'indignation, est sur toi de par l'Éternel. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, puisque tu as ôté du pays les bocages, et que tu as disposé ton cœur pour rechercher Dieu. Depuis cela Josaphat se tint à Jérusalem, toutefois il fit encore la revue du peuple, depuis Beer-Séba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel le Dieu de leur père. Et il établit des juges au pays, par toutes les villes fortes de Juda, de ville en ville. Et il dit aux juges, Regardez ce que vous ferez, car vous n'exercez pas la justice de la part d'un homme, mais de la part de l'Éternel, qui est au milieu de vous en jugement. Maintenant donc que la frayeur de l'Éternel soit sur vous, prenez garde à ceci, et faites-le, car il n'y a point d'iniquité en l'Éternel notre Dieu, ni d'acception de personne, ni de réception de présents. Josaphat aussi établit à Jérusalem quelques-uns des Lévites, et des sacrificateurs, et des chefs des pères d'Israël, pour le jugement de l'Éternel, et pour les procès, car on revenait à Jérusalem. Et il leur commanda, en disant, « Vous agirez ainsi en la crainte de l'Éternel, avec fidélité, et avec intégrité de cœur. Et quant à tous les différents qui viendront devant vous de la part de vos frères qui habitent dans leur ville, lorsqu'il faudra juger entre meurtre et meurtre, entre loi et commandement, entre statut et ordonnance, vous les en instruirez, afin qu'ils ne se trouvent point coupables envers l'Éternel, et que son indignation ne soit point sur vous et sur vos frères, vous agirez donc ainsi, et vous ne serez point trouvés coupables. Et voici, Amaria le principal sacrificateur, sera au-dessus de vous dans toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia fils d'Ismaël, sera le conducteur de la maison de Juda, dans toutes les affaires du roi, et les prévôts lévites sont devant vous. Fortifiez-vous, et faites ainsi, et l'Éternel sera avec les gens de bien.